Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veillon. On va parler de patinage de vitesse sur courte piste. Hier, c'était la jour 3 des qualifications. Et Cassandra Bradette s'est mise en bonne position hier. Elle a pris le deuxième rang aux 500 mètres. Cassandra qui a négocié un parcours de 43 secondes et 420 centièmes. Donc, elle occupe présentement le deuxième rang. Parlons maintenant au classement cumulatif. Ben Cassandra Bradette, après 5 courses, a 22 069 points. Elle est en quatrième position. Elle est tout juste derrière Valérie Malta, qui elle, a 23 120 points. Toujours en patinage de vitesse sur contre-piste, Marianne Saint-Gelais était sur les ondes de dernierdesport.com hier et elle a commenté sa blessure hier. C'est une chute malheureuse, explique la patineuse native de Saint-Félicien. Une chute à l'entraînement vendredi. En soi, c'était pas une mauvaise chute, mais je suis mal arrivée dans les matelas, fait que ça l'a fait comme on appelle un effet de whiplash. Donc tout de suite, là, j'ai senti des maux de tête, des étourdissements, des nausées, fait que on n'a pas pris de chance. J'étais en commotion, donc le protocole entre en vigueur assez rapidement au moment qu'il y a une commotion, parce que c'est aucune activité physique de n'importe quel genre, fait que c'est ça. Puis comme c'était pas ma première non plus, ben il fallait rester encore prudent. Marianne est évidemment déçue et elle espère évidemment rentrer par la grande porte. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours une partie d'incertitude et d'inquiétude. Je veux dire, j'ai beau avoir un très beau background et un très beau curriculum vitae en parenthèse, peut-être que c'est pas moi qui décide. C'est un comité qui, oui, suit le patinage de vitesse et plus qu'au courant des exploits des Canadiens, mais il reste que je suis habituée de passer par la porte en avant. C'est par ouais. Que je me classe, que je fais mes cours, je fais mes points, puis c'est réglé. Là, ben c'est ça. Ça passe pas de cette façon-là. Fait que oui, ça va rester une inquiétude, puis oui, ça va rester une crainte jusqu'à temps que l'équipe ne sera pas annoncée. Le camp d'entraînement des Saguenay de Chicoutimi s'est mis en branle hier, c'est le camp des recrues, et on a parlé hier avec Charles Tremblay de Saint-Félicien, qui est à son premier camp d'entraînement, et Charles Tremblay espère évidemment tout donner pour faire partie de l'équipe cette année. Peut-être reste une possibilité, mais moi honnêtement, mon plus en me présentant là-bas, c'était justement de causer une surprise. Écoute, on en a vu des surprises, on en a vu des joueurs invités à des camps seulement, puis qui ont réussi à faire l'alignement. Moi je pense, puis j'ai toujours dit ça, dans ma manière de penser, c'est que la ronde rendue au camp, elle importe vraiment pas beaucoup. Je veux dire, quand même, que tu seras repêché deuxième ou quatorzième ronde, tu sais, les gars, on fait toute la même pratique, on fait toute la même game, on joue contre les mêmes personnes. Tu sais, c'est tous des gars de 16, 17 ans qui sont dans leur première chance et qui veulent tout donner pour faire l'équipe. Et Charles Tremblay a parlé avec Yannick Jean au cours des dernières semaines, ainsi que le personnel d'entraînement des Saguenayens de Chicoutimi. Oui, j'y ai parlé une couple de fois durant l'été. Là. Je l'ai aidé avec son camp ouais, de développement avec les jeunes élites à Saint-Félicien, je l'ai aidé à la paix. Et puis oui, j'ai eu l'occasion d'y parler à quelques reprises. Là. Il parlait surtout de mon été, comment ça allait. Puis il y a aussi des membres du personnel des Saguenay qui m'ont appelé au courant de l'été pour savoir comment j'allais, puis mon entraînement, si ça allait bien tout, si j'avais des... Au soccer, des matchs nous intéressaient dans les différentes ligues, avec quand même quelques rencontres hier. À noter que, du côté du U12 masculin, l'attaque de Saint-Prime et Roberval United sont livrés un verdict nul de 3-3. Le FC de Saint-Félicien a gagné 7-6 contre Dolbeau Mississippi dans un match ultra offensif. U16 masculin, victoire de FC de Saint-Félicien 7-2 sur les Boréales d'Allemagne. Et dans le senior masculin division 2, victoire très facile de Dolbeau Mississippi 9-2 sur Roberval United. Et les funérailles du président de Milo en rodéo, Michel Ouellette, seront célébrées cet après-midi à l'église de Saint-Louis-de-Milo à compter de 15h. Michel Ouellette, qui a perdu la vie de façon subite, était le président de Milo en rodéo. Donc, ça a fait en sorte que l'organisation a dû se rebrousser les manches afin de faire un festival cette année. On sait que les festivités vont débuter ce soir à Saint-Louis-de-Milo. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec le président du club de golf de Dolbeau-Mississippi, Raymond Lavoie. On sait que le club a fait quand même de beaux profits dans le cadre du tournoi bénéfice du club de golf de l'endroit. Le sport local et régional, adanadosport.com. À 5 heures.